بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans le premier séminaire intensif du Marquez Al-Ghuraba et nous allons continuer بإذنالله تعالى l'explication du hadith Jibril que nous avions commencé hier. Et donc hier, nous étions rentrés dans les piliers de la foi et nous avions pris le premier pilier des six piliers de la foi qui est la croyance en Allah. Donc on continue, Inch'Allah, le deuxième pilier, c'est la croyance aux anges. Donc il faut comprendre avant qu'on rentre dans le vif du sujet que quand on parle des piliers de la foi, pour chaque pilier, il y a ce qu'on appelle un minimum obligatoire. En deçà duquel le croyant n'a pas concrétisé ce pilier. Donc dans la croyance aux anges, il y a un minimum obligatoire à croire. Ensuite, la croyance aux anges, il y a des informations nombreuses dessus, mais on n'est pas obligé de tout savoir. Mais il y a un minimum obligatoire en deçà duquel, si vous ne connaissez pas ces choses, vous n'avez pas concrétisé le pilier en question. Donc la croyance aux anges, hein, il faut croire que ce sont des créatures d'Allah et que certains descendent avec la révélation sur les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, comme Jibril, qu'ils sont faits de lumière, hein, qu'ils ont été créés de lumière, comme il est venu dans le hadith, hein, « خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَنُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُسِفَ لَكُمْ. Les anges furent créés de lumière, les djinns d'un feu sans fumée, et Adam tel qu'il vous a été décrit. Et c'est le hadith, il est rapporté par Aïcha radiallahu anha, fi sahih muslim. Et savoir aussi qu'ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Et ils accomplissent tout ce qui leur a été ordonné. Et certains descendent avec des missions précises, comme récolter les âmes, comme s'occuper des vents, hein, comme c'est le cas de Mikaël, comme le fait de souffler dans la trompe le jour du jugement, comme c'est le cas de Israël, comme le fait de noter les œuvres des fils d'Adam, comme le fait de s'occuper des fœtus dans le ventre de la mère, en leur insufflant l'âme, et en leur écrivant leurs presque quatre choses, comme c'est venu dans le hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, où il nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que les anges, dans le ventre de la mère, après avoir insufflé l'âme, ils lui inscrivent sa durée de vie, sa subsistance, ses actes et à savoir est-ce qu'il fera partie des malheureux ou des heureux. Ensuite, celui qui va approfondir le sujet, il y a beaucoup plus d'informations à propos des anges, mais ça c'est le minimum obligatoire, à savoir que ce sont des créatures d'Allah, faites de lumière, qui ne désobéissent pas à Allah, et que certains comme Jibril descendent avec la révélation sur les prophètes. Si vous ne connaissez pas les autres informations à leur sujet, ça n'annule pas votre croyance aux anges. Mais si vous êtes informé d'une information supplémentaire avec une preuve authentique du Coran ou de la Sunna, alors vous êtes obligé d'y croire. Vous êtes obligé d'y croire sous peine d'annuler votre croyance aux anges. Dernière petite remarque à leur sujet, les anges ne sont pas des filles. Les anges ne sont pas des enfants d'Allah, hasha lillah. Et les anges obéissent à Allah. Ils ne désobéissent pas à Allah, comme ont pu le prétendre certaines sectes égarées comme les chiites, en disant que Jibril a trahi le message en donnant la révélation à Mohammed, alors qu'elle aurait dû être donnée à Ali radiallahu anhu. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut absolument réfuter et ne pas croire, sous peine d'annuler votre croyance aux anges. Ensuite, le troisième pilier, la croyance aux livres, al-iman bil kutub. Donc là aussi, il y a un minimum obligatoire à avoir pour concrétiser cette croyance aux livres. C'est le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a descendu à qui il veut parmi ses serviteurs, à parmi ses messagers, des livres qui sont sa parole, afin de juger entre les gens et de les guider, et que tous ces livres sont abrogés par le Coran. Tous ces livres sont abrogés avec la descente du Coran sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces livres-là sont nombreux, on n'en connaît pas le nombre, seul Allah azza wa jalla en connaît le nombre exact, et on en a certains qui nous ont été cités, notamment dans le Coran, comme la Torah, qui est le livre descendu sur Moussa, les psaumes, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa, l'Injil, qui est descendu sur Isa, alayhimussalam, sur Jésus, et Zabour, fi Daoud, sur notre prophète Daoud. Donc tous ces livres, ils sont venus avec la même mission, à savoir établir al-Haqq, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les trois formes, et également enseigner aux gens une législation, à chaque peuple une législation qui lui est propre, et toutes ces législations, tous ces livres, ils sont abrogés avec la descente du Coran sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le troisième pilier, al-iman bil rusul, la foi aux messagers. Donc la foi minimum obligatoire consiste à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux gens des messagers issus d'eux-mêmes, afin de leur ordonner d'adorer Allah seul, sans associer, et que le dernier d'entre eux, après qui il n'y aura pas de prophète, est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons croire en tous les prophètes, et mécroire en l'un d'entre eux revient à mécroire à tous. Observez bien dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Kazzabat qawmu Nuhin al-mursalin » Le peuple de Nuh a mécru en les prophètes. Il a utilisé le mursalin, le pluriel, alors que le peuple de Nuh, de manière effective, a mécru en Nuh uniquement. Mais pourquoi le pluriel a été utilisé? Car le fait d'avoir mécru en Nuh revient à avoir mécru en tous les prophètes. Donc nous ne faisons pas de distinction entre les prophètes. Nous croyons en tous les prophètes et nous croyons que le dernier, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que aucun prophète ne viendra après lui. Concernant ces prophètes également, nous avons la croyance que le premier d'entre eux est Nuh alayhi salam. Comme il est venu dans le Coran, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Donc les prophètes qui sont venus après Nuh, qui est le premier des prophètes. Et les prophètes sont nombreux et on n'en connaît pas leur nombre exact. Certains hadiths nous avancent des chiffres, comme un peu plus de 300 messagers et plusieurs milliers de prophètes, une vingtaine de milliers de prophètes, mais aucun hadith authentique ne certifie cela. Juste nous savons qu'ils sont nombreux, au point que sur certaines périodes, il y avait plus d'un prophète en même temps, comme c'est le cas avec Ibrahim et Lot, alayhim as-salam, ou encore Isa wa Zakaria wa Yahya, qui sont tous descendus au même moment, alayhim as-salam. Donc on sait qu'ils sont nombreux, mais on n'a pas de chiffre exact. Et on sait qu'ils sont tous venus avec la même croyance, à savoir appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, les plus importants d'entre eux sont Muhammad, Moussa, Ibrahim, Isa et Nuh, qu'on appelle Ahlu al-Azmi min al-Rusul. Donc voilà pour la croyance aux messagers. Bien entendu, c'est un sujet beaucoup plus vaste que cela et il convient aux musulmans de s'y intéresser. Mais ça, c'est une présentation de l'islam et c'est suffisant à ce stade. Ensuite, le cinquième pilier, la croyance au jour dernier, al-iman ou bil yawm al-akhir. Donc le jour où nous allons nous tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugés. Donc c'est le jour dernier, parce que s'il n'y aura plus de vie, la vie d'ici-bas aura pris fin. Et les gens seront ressuscités de leur tombe pour être jugés selon ce qu'ils auront commis dans cette vie d'ici-bas. Allah nous dit dans le Coran, « Za'ma alladhina kafaru an lan yub'athu, qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum, wa dhalika ala Allah yasir. » Les gens qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités, dit aucun nom. Vous serez très certainement ressuscités et vous serez certainement informés de ce que vous faisiez, et cela est pour Allah facile. Donc c'est un jour terrible, un jour effrayant, où Allah Azza wa Jal va juger les gens en fonction de leurs œuvres. Celui qui aura cru et œuvré aura le paradis. Et celui qui aura mécru et ou mal œuvré aura l'enfer. Fait partie de la foi au jour du jour dernier, de croire aux anges qui nous questionnent dans la tombe. Il faut comprendre qu'il y a le jour dernier, il y a le jour dernier qui est le même pour tout le monde, le jour où Allah ressuscitera ses créatures des tombes. Et il y a le jour dernier de chacun, où il commence après sa mort, dès qu'il est introduit dans sa tombe, commence son jour dernier, son jugement. Et il a dans cette tombe des anges qui vont le questionner, les trois questions, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Fait partie de la croyance au jour dernier, le fait de croire au supplice dans la tombe, qu'on appelle Darul Barzakh, ou Darul Intidar, la maison de l'attente. Fait partie de la croyance au jour dernier, de croire au Sirat, Al-Qantara, ce pont que on va tous traverser à des vitesses différentes. Plus on aura œuvré dans le bien, plus on le passera rapidement, à la vitesse de l'éclair. Plus on aura mal œuvré, plus cette traversée sera difficile. Fait partie également de la croyance au jour dernier, de croire au Mahshar, le jour du rassemblement, le rassemblement qui durera 50 000 ans, comme il est vu dans le hadith d'Ibn Abbas qui se trouve dans l'authentique d'Al-Bukhari. Et bien entendu, mes frères et sœurs, la croyance en un pilier comme celui-ci, elle doit avoir des effets sur notre vie. Ce n'est pas juste une information que l'on prend comme ça, mais elle doit avoir des effets. On doit avoir en tête tout le temps qu'on va devoir rendre des comptes et se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un jour qu'il faut préparer. Il faut préparer en accomplissant le maximum d'œuvres agréés par Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant les péchés autant que l'on peut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran évoque énormément ce sujet, car c'est notre finalité. La vie d'ici-bas, cette terre sur laquelle nous vivons, n'est pas éternelle. C'est un passage, c'est un examen. Et donc nous devons nous préparer à ce jour fatidique où nous nous présenterons devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugés. Donc trois étapes pour nous. La vie d'ici-bas, qui est la vie qu'on doit mettre à profit à œuvrer. Al-Barzakh, qui est la tombe, et c'est la demeure de l'attente. Et cette attente peut être délicieuse, comme elle peut être douloureuse, et cela en fonction de nos œuvres. Et ensuite, l'au-delà, qui commence avec le jour du jugement, et l'au-delà qui, elle, est la demeure éternelle. Et donc ce jour-là, mes frères et sœurs, pour les mécréants, ce sera un jour difficile. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, « وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا » Et ce sera un jour difficile pour les mécréants. Fait partie également de la croyance au jour dernier, le fait qu'il y aura une balance qui pèsera nos œuvres et qui aura une précision extrême. Et ceci est un point de croyance où se sont fourvoyés certaines sectes comme les Mu'tazila qui eux n'y croient pas. Donc nous on y croit, Ahlus Sunnah wal Jama'a, on croit qu'il y aura une vraie balance où les œuvres bonnes seront placées sur un plateau et les mauvaises œuvres sur l'autre plateau. Et qu'elle a, comme je vous l'ai dit, une précision extrême, comme il est venu, notamment dans le Coran où Allah nous dit « Wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara » Celui qui fera le bien du poids d'une tête de fourmi le verra. « Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara » Et celui qui fera le mal du poids d'une tête de fourmi le verra. Donc, tout sera pesé à cette précision-là, le jour du jugement. Donc voilà pour le cinquième pilier. Ensuite, le sixième pilier, la foi au destin bon ou mauvais. Al-Imanu bil qadari khayrihi wa sharri. Donc, il faut savoir à propos de ce pilier, de cette croyance, que le minimum à croire, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout décrété, que ce soit un bien ou un mal, et que tout se passe selon sa volonté, et qu'il crée ce qui se produit. Pour valider cette croyance, il faut absolument concrétiser quatre points à son propos. Le premier, c'est qu'Allah sait tout. Sa science est infinie, éternelle, et englobe tout. Il sait ce qui a été et ce qui l'adviendra. Sa science est sans début et sans fin et englobe toute chose. Le deuxième point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit dans la table gardée, Al-Lawhul Mahfouz, et ce jusqu'au jour du jugement. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Donc on voit bien, shahid, tout est enregistré dans un livre. Le troisième point, c'est de croire que ne se réalise que ce qu'Allah a voulu et que ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. On doit croire à cette volonté. Ce qu'Allah veut advient et ce qu'Allah ne veut pas n'est pas. Et donc il n'est pas bon de s'attrister lorsque on n'a pas pu obtenir une chose qu'on a désirée. Car si on n'a pas obtenu une chose désirée, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas voulu. Et Allah, c'est lui l'omniscient. C'est lui qui sait mieux que quiconque ce qui est bénéfique pour nous ou pas. Il se peut qu'on désire quelque chose ardemment, mais qu'en réalité cette chose aurait été un mal pour nous. Et donc, il fait partie des fruits de cette croyance que de se réjouir et de se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrète, et de ne pas s'attrister outre mesure lorsqu'on n'arrive pas à réaliser ou à obtenir quelque chose désiré. Comme il faut également, de l'autre côté, ne pas avoir d'orgueil et ne pas avoir un sentiment de toute puissance lorsqu'on obtient ce que l'on veut, et d'avoir toujours en tête que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a permis et qui l'a voulu. On peut avoir une joie, mais ça doit être une joie de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas une joie orgueilleuse comme si ce que l'on a obtenu venait du produit de nos mains ou du produit de notre intelligence. Bien sûr, on accomplit des causes, mais les choses s'obtiennent, les résultats s'obtiennent, se concrétisent par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut toujours avoir cette joie de reconnaissance envers lui, notre Seigneur, lorsqu'on obtient ce que l'on a voulu. Et le dernier point concernant ce pilier du destin, c'est d'avoir la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce qu'il se passe au moment qui lui est prédestiné. Allah khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est le garant. Comme on l'a dit également dans le verset tout à l'heure, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et c'est ça la partie argumentative du verset. Et cette croyance au destin, mes frères et sœurs, pour celui qui la concrétise, elle a beaucoup d'effets bénéfiques. Elle a beaucoup d'effets bénéfiques. Premièrement, elle confirme la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, son omniscience. Elle permet aussi au serviteur, pour celui qui l'aura concrétisé, de ne pas tomber dans l'orgueil, dans la suffisance, car il aura toujours à l'esprit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a destiné cette chose, et ça l'obligera toujours à une forme de reconnaissance envers son Seigneur. Comme ça, empêchera aussi le serviteur de tomber dans une tristesse démesurée, car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décrète les choses, et que si Allah n'a pas voulu cette chose, c'est qu'il y a en cela une sagesse, même si nous ne la voyons pas ou nous ne la comprenons pas. Également aussi, la croyance au destin, lorsqu'elle est bien concrétisée, bien comprise de la part du serviteur, elle lui permet de s'en remettre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a un besoin à combler, car c'est Allah qui décrète et donc c'est vers lui qu'il faut se tourner pour demander, comme c'est confirmé dans le hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhu, où le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُوفُ. Lorsque tu demandes à Allah, et lorsque tu demandes de l'aide d'Allah, sache que si toutes les communautés se réunissaient pour t'accorder un bien, ils ne sauraient te l'accorder que si Allah te l'a écrit. Et si ces communautés se réunissaient pour te causer du tort, elles ne pourraient te causer du tort que si Allah te l'a décrété. Les plumes ont été levées et les pages ont séché. Et ce hadith est un hadith grandiose, hein, qu'il faut s'efforcer d'appliquer, se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour demander tout ce dont on a besoin, que ce soit dans les choses de notre vie d'ici-bas, mondaine, ou que ce soit dans les affaires de notre religion. Et comme il est dit à la fin du hadith, plumes ont été levées et l'encre a séché. Donc quand on a compris ça, Ce n'est pas la peine de se frustrer lorsque les choses ne se passent pas là comme on l'aurait voulu. C'est pour ça que le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, فلا تقول لو إني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. Hein? Et ne dis pas quand la chose ne s'est pas produite comme tu l'aurais voulu, si j'avais fait ceci, cela n'aurait même pas touché, mais dis, c'est le destin d'Allah, il fait ce qu'il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose, il a créé nos œuvres. Allah khalaqa kulli shay, ou Allah khaliqu kulli shay. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et Allah vous a créé et ce que vous façonnez. Mais attention, hein, rien ne se passe comme on l'a dit sous la volonté d'Allah, mais cela ne signifie pas que nous n'ayons pas de nous de volonté. Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse le choix. Il nous laisse cette, une volonté qui est subordonnée, c'est-à-dire soumise à la volonté d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » Mais vous ne le voudrez que si Allah lui-même le veut. Nous ne sommes donc pas sans choix, contraints, comme des robots, comme des feuilles mortes, comme l'affirme Al-Jibriya, cette secte qui a la croyance que nous n'avons pas de volonté et que seul Allah Azzawajal a cette volonté et qu'il nous contraint. Donc nous avons une volonté, mais qui est subordonnée, soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne ressent ça dans sa vie de tous les jours. J'ai le choix de me lever ou de rester assis. Il y a salat, il y a l'adhan de dhar, j'ai le choix d'aller à la mosquée ou de rester, de désobéir et de rester chez moi. Ce choix, je l'ai. Mais ce choix, hein, il n'est pas indépendant. Hein, il est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, car rien ne se passe si ce n'est selon sa volonté. Je n'agis pas, l'homme n'agit pas en toute indépendance. Il ne crée pas lui-même ses œuvres, comme le disent les Qadariya, qui pensent que l'être humain crée ses propres œuvres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est mis devant le fait accompli. Et donc ça, c'est renier la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous ai cité les deux sectes qui s'opposent par rapport à Ahlus Sunnah, les deux extrêmes, Al-Jibriya qui pense que nous sommes contraints, que nous n'avons aucune volonté d'aucune sorte, et Al-Qadariya qui pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala est mis devant le fait accompli, et que ce sont les hommes, les fils d'Adam qui créent leurs propres œuvres, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les crée pas. Et nous, les gens de la sunna et du groupe, hein, nous pensons qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, que sa science est sans limite, sans début, sans fin, éternelle, qu'il a tout écrit, qu'il a dans les tables gardées, la table gardée, Allahul Mahfoud, que sa volonté est supérieure à tout, que rien ne se réalise si ce n'est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il nous a laissé un libre arbitre. Nous ne sommes pas contraints de faire les choses. L'homme a le choix de prier ou de ne pas prier. Il a le choix d'être musulman ou ne pas l'être. Mais que cette volonté est subordonnée, soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernière chose, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, donc qui a créé nos œuvres, et que ce n'est pas nous qui créons nos propres œuvres. Voilà donc pour ce point de croyance, le sixième pilier, à savoir la croyance au destin bon et mauvais. C'est un sujet, vous l'aurez compris, qui mérite à être étudié beaucoup plus en détail. Il y a eu beaucoup de sectes qui se sont fourvoyées, égarées dans ces points de croyance. Mais ce hadith, il se veut une présentation générale et nous nous contenterons de cela sur ce point. Ensuite, Jibril alayhi salam questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'ihsan. Akhbirni an l'ihsan. Informe-moi à propos de l'ihsan, la bienfaisance, l'excellence. Cette bienfaisance, cette excellence, elle peut être entre le serviteur et ses semblables. Et en premier lieu, elle est entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. et soyez bienfaisants. Certes, Allah aime les bienfaisants. Cette bienfaisance, elle est composée de deux piliers. Le premier, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et le deuxième, certes, si tu ne le vois pas, lui te voit. Le premier des piliers, donc, adorer Allah comme si tu le voyais. Tu le voyais de tes propres yeux. Certes, nous savons que nous ne pouvons pas voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas. Allah a dit à Moussa, quand il lui a, alayhi salam, quand il lui a demandé de le laisser le voir, l'entarani, tu ne me verras pas. Nous ne le verrons que dans l'au-delà. Et ce sera, d'ailleurs, la plus belle récompense de l'au-delà pour le croyant, le fait de voir son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Mais malgré tout, le croyant, il essaye d'œuvrer comme s'il le voyait de ses propres yeux. Et c'est la force de la foi, la fermeté de celle-ci, la certitude dénuée de toute forme de doute qui peut nous amener à ce stade de pouvoir adorer Allah comme si on le voyait de nos propres yeux. Et donc c'est dans le fait de cultiver sa foi, de mettre tout en œuvre pour augmenter celle-ci, et on l'augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on peut espérer arriver à ce stade d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Et c'est le degré le plus haut, car c'est motivé par le désir d'Allah. C'est le désir d'Allah qui nous fait l'adorer comme si on le voyait. Waljaza min jinsil amal. La récompense est de la même nature que l'acte. Si tu agis sur cette terre, ya Abdullah, comme si tu voyais Allah à tout instant, eh bien tu seras récompensé par le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudammuna fi ru'yati » Vous verrez votre Seigneur comme vous pouvez voir cette lune. Vous n'aurez pas besoin de vous serrer pour le voir. Et il y a d'autres hadiths qui confirment cela, qui se trouvent dans les deux recueils authentiques. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, ce sera la plus belle récompense pour le serviteur d'Allah que de pouvoir voir son Seigneur. Ensuite, le deuxième pilier de l'Ihsan, qui est en dessous du premier, si tu n'as pas cette force dans la foi qui te permet d'adorer Allah comme si tu le voyais, alors adore-le en sachant que lui certes te voit. C'est ce qu'on appelle al-muraqaba. Avoir ce sentiment qu'Allah te voit, te surveille à chaque instant, à tout endroit, que rien de toi ne lui échappe. Il a connaissance de tout, même de tes pensées les plus intimes. Et donc cela doit te pousser, ya Abdullah, à parfaire tes œuvres, car tu te sais surveiller. Et si on prenait un exemple mondain, on sait très bien qu'un travailleur, par exemple, s'il est surveillé par son patron, il fera la tâche d'une manière plus exemplaire que s'il le faisait seul. Le fait de se savoir surveillé doit, de se savoir vu, à tout moment, à tout instant, doit nous pousser à parfaire l'accomplissement de nos œuvres. Donc ce pilier, même s'il est en dessous du premier, qui était le fait d'adorer Allah comme si on le voyait, il reste malgré tout un niveau qui est élevé. Le musulman, le croyant qui arrive à adorer Allah en ayant tout le temps à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit, ce sentiment dans son cœur le poussera toujours à parfaire ses œuvres. Et la bienfaisance, celle-ci qu'on a traitée, c'est la bienfaisance entre le serviteur et son Seigneur. Il y a aussi la bienfaisance entre le serviteur et le serviteur, comme le fait de donner, d'accorder les droits à chacun. Le droit de son épouse, le droit aux voisins, le droit aux enfants, le droit aux savants. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime que l'on soit bienfaisant, que l'on soit dans la perfection de tout ce que l'on accomplit même quand c'est dans l'ordre du mondain. Allah subhanahu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu » Allah aime quand, lorsque l'un d'entre vous accomplit une action, qu'il la fasse à la perfection. Donc ça leur rentre également ça dans Nou' al-Ihsan, mais ce n'était pas l'Ihsan voulu ici dans le Hadith. Donc on voit que dans cette religion, il y a donc trois degrés. L'Islam, la foi, l'Iman et l'Ihsan. Le plus haut, c'est-à-dire l'Ihsan, il implique qu'on a les deux autres. Hein, si on est muhsin, c'est qu'on est en même temps mu'min et muslim. Et plus on monte dans les catégories, moins on y trouve de gens. Beaucoup plus sont musulmans, un peu moins sont croyants, et encore moins sont excellents. Et plus on monte, plus cela demande des caractéristiques. Plus ça demande des caractéristiques, des qualités. Il y a plus de qualités chez quelqu'un qui est muhsin que chez quelqu'un qui est musulman. Et nous avons un verset qui englobe les trois, qui est le suivant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Thumma awrathna al-kitab al-ladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah dhalika huwa al-fadlu al-kabir » qui signifie selon la traduction des sens, « Puis nous avons attribué l'héritage du livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Certains parmi eux se lèsent eux-mêmes. » Donc eux, ce sont les musulmans. Hein? Allah les a appelés nos serviteurs. Il leur a fait hériter le livre. Donc c'est les musulmans. Ils accomplissent les piliers de la croyance, mais il y a en eux des manquements, notamment dans le fait de faire des grands péchés. D'autres empruntent une voie médiane dans leurs actions. Ce sont les mu'mines. Ils accomplissent tout ce qui est obligatoire et ne rentrent pas dans les grands péchés, mais ne font pas plus que cela. Et d'autres, enfin, vont au devant des bonnes œuvres. Et cela, ce sont les muhsins, al-muhsinoun. C'est-à-dire, ils ont l'islam, al-iman, hein, ils ont les fondements de la croyance, ils font les obligations, ils s'écartent de ce qui est interdit, mais ils rajoutent à ça. Ils sont toujours dans la concurrence aux bonnes œuvres. Telle est la faveur suprême. Donc on peut être musulman et ne pas encore avoir atteint le statut de croyant. Comme c'est venu dans le Coran à propos des Bédouins, lorsqu'ils ont dit « nous sommes soumis », Allah leur a dit « قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا » Ne dites pas nous avons cru, ou dites pas nous avons la foi, mais dites plutôt nous sommes soumis. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, ils n'ont pas encore le statut d'une foi complète. Et walamma en langue arabe, pour ceux qui étudient la grammaire, cela signifie que cette chose est malgré tout attendue. Elle ne l'est pas l'instant présent, mais cela viendra bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, Jibril alayhi salam interroge notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'heure. Akhbirni anissah, informe-moi au sujet de l'heure. Et le prophète de lui répondre, celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui questionne. En effet, l'établissement de l'heure, c'est-à-dire le moment de sa venue, n'est connu que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lui seul le sait, et il n'en a informé personne, ni les anges, ni les messagers. Il a caché la connaissance de son avènement à toute la création. Pourquoi ? Car en réalité, il y a une sagesse en cela. Il y a une sagesse en cela, à savoir que le fait que nous ne sachions pas quand est-ce que l'heure arrive doit normalement nous laisser toujours en alerte, nous mettre toujours dans un état de qui-vive, à savoir que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et donc nous pousser toujours à nous préparer à ce moment fatidique. Si les gens savaient quand est-ce que cela arriverait, nul doute que certains seraient poussés à la fainéantise, à se dire j'ai encore le temps. Mais le fait qu'on ne sache pas que ça peut arriver demain, dans la seconde qui suit, ça pousse le croyant bien orienté à se préparer sans cesse à ce moment. Et ce point, à savoir que l'heure est une connaissance exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est confirmé dans de nombreux versets dans le Coran, notamment Allah nous dit « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَ أَيَّنَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي وَلَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ » Il t'interroge sur l'heure. Quand elle viendra, quand viendra-t-elle ? Dit « Seul mon Seigneur en a la connaissance. » Il nous dit également, subhanahu wa ta'ala, « Inna Allah indahu ilmu sa'a » La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et donc si Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, a décidé de la cacher, cela signifie que la sagesse réside dans le fait qu'elle soit cachée. Et donc ce qui nous importe, nous, les croyants, les musulmans, c'est de nous y préparer. Et c'est de savoir quoi faire pour s'y préparer. Et non pas de savoir exactement quand est-ce qu'elle aura lieu. Les efforts, ils doivent être orientés vers le fait de s'y préparer. Car si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, ne sait pas quand est-ce que l'heure adviendra, alors nul autre ne peut prétendre savoir ceci. Et on voit aussi dans cette réponse une éducation, une éducation à la modestie. Le prophète, il a le statut de prophète, il est interrogé devant ses compagnons. Il ne sait pas, il dit tout simplement « je ne sais pas ». Et il ne cherche pas à réfléchir à ce sujet, à essayer de trouver une réponse. Il ne sait pas, il dit tout simplement « je ne sais pas ». Pourtant, il a un statut de prophète. Il aurait pu se dire « il ne convient pas que je ne puisse pas répondre devant mes compagnons ». Mais non, il ne sait pas, il répond « je ne sais pas ». Et c'est ça l'attitude à avoir lorsqu'on est questionné, surtout en matière de religion, d'apprendre à dire « Allahu a'lam ». Allahu a'lam et Allah est le plus savant. Ensuite, Jibril alayhi salam lui pose une autre question, toujours en rapport avec cette heure. Il lui demande de l'informer quant au sujet des signes avant-coureurs de cette heure. Il lui dit « فَأَخْبَرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا » Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande sagesse, nous a caché le moment de cette heure, mais il nous a mis des signes, comme pour nous alerter, comme pour nous dire « attention, cela arrive bientôt ». Et cette science des signes, par contre, il l'a révélée à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il en a informé son prophète. Ces signes avant-coureurs, ces signes annonciateurs du jour dernier, les savants les ont classés en deux catégories, certains en trois, certains en deux, en disant qu'il y a des grands signes et des petits signes. Et d'autres en trois, en disant qu'il y a des grands signes, des petits signes et des signes intermédiaires. D'ailleurs, je vous conseille un livre qui est « Ashrat al-Sa'a » de l'auteur Youssouf Abdullah al-Wabil, qui est un livre qui a été traduit, c'est pour ça que il y a beaucoup de livres sur ce sujet, mais il a été traduit en langue française, et c'est un bon livre à lire en famille pour prendre connaissance des signes avant-coureurs de l'heure. Donc il y a des petits signes, des grands signes. Et donc le prophète, il va informer Jibril alayhi salam de certains de ces signes. Et donc le premier qu'il nous dit, c'est que la servante donne naissance à sa maîtresse, « Antalid al-ammatu rabbataha ». Donc ça, c'est un signe. Et donc qu'est-ce que cela signifie ? Donc, car l'expression est un peu étonnante, les savants ont expliqué cela avec plusieurs explications. La première, c'est de dire que il y aura un retour de l'esclavage à la fin des temps. Et il arrivera que des hommes et donc des enfants avec des femmes esclaves. Et donc cette fille qui aura un père libre, elle sera libre alors que sa mère aura un statut d'esclave. Une autre signification est qu'il y aura beaucoup de mauvais comportements des filles envers leur mère à la fin des temps, au point qu'une fille aura un comportement vis-à-vis de sa mère comme si elle était la maîtresse de celle-ci, c'est-à-dire en n'obéissant pas, pire en lui donnant des ordres, en levant la voix sur elle. Et malheureusement, c'est des choses que on peut dire que nous constatons déjà dans certaines sociétés. Ensuite, le deuxième signe, le prophète répond en disant: وأنت ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Donc, qui signifie, lorsque tu verras les va-nu-pieds, nus et pauvres bergers se concurrencer dans la construction de hauts édifices. Car, donc, les Bédouins, ça faisait partie de leur caractéristique d'être pieds nus, hein, de habillés avec des vêtements de piètre qualité. Donc ces bédouins, ces bergers qui vivent dans les déserts et qui gardent des troupeaux, hein, va arriver à la fin des temps où ils vont se sédentariser, les savants nous disent, et ils vont commencer à construire des bâtiments, chacun voulant concurrencer son voisin et avoir le bâtiment le plus élevé. Et celui qui a eu l'occasion de visiter des pays comme les Émirats, hein, il peut avoir remarqué cet état de fait. Aux Émirats, c'est un pays où vous avez de nombreux buildings de hauts bâtiments de plusieurs étages, 10 fois 10, 15 plus même. Et en vérité, lorsque vous vivez là-bas, vous vous rendrez compte que beaucoup des gens qui possèdent ces bâtiments sont en réalité d'anciens bergers, d'anciens. C'est la révolution du pétrole qui a fait qu'ils se sont sédentarisés. Beaucoup d'entre eux, hein, étaient, il n'y a même pas une dizaine ou une vingtaine d'années, des gens qui vivaient, comment dire, de l'élevage de troupeaux. Et cette révolution du pétrole a fait qu'ils se sont enrichis, et ils se sont, par cet enrichissement, sédentarisés, et ils ont fait du pays ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Ensuite, le prophète nous dit: Thuman talaqa. Ensuite, Jibril est parti. Falabithu maliya. Et je suis resté un moment. Dans d'autres versets, nous savons que certains compagnons sont partis, se sont levés lorsqu'il est parti, en essayant de le rattraper, en partant à sa recherche. Mais Omar, hein, il est resté. Et le prophète lui a demandé au bout d'un moment: hein, sais-tu qui est le questionneur? Ya Omar, atadri manissa'il. Oh, Omar, sais-tu qui est le questionneur? Et Omar de répondre: Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager savent mieux. Et là aussi, même remarque tout à l'heure, regardez l'éducation. Le prophète, on a mis en valeur tout à l'heure qu'il avait été humble lorsqu'il ne savait pas, et il a éduqué ses compagnons, radiallahu anhum ajma'in, pardon, à cette même humilité. Je ne sais pas, Allah wa Rasuluhu a'lam. Et c'est ce à quoi nous devons nous-mêmes nous éduquer. Et ne pas essayer de répondre lorsque nous n'avons pas de connaissances, surtout lorsque c'est en matière de religion, car cela reviendrait à dire sur Allah des choses qui ne sont pas vraies. Et sachez que même si vous répondiez par une bonne réponse alors que vous ne saviez pas, vous êtes en situation de péché. Donc, lorsqu'on ne sait pas, le réflexe qu'on doit avoir, Allahu a'lam. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahu wa rasuluhu a'lam, car le messager était vivant. Mais nous, aujourd'hui, étant donné qu'il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, nous disons Allahu a'lam. Et ça, c'est une éducation, mes frères. Et donc, ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: Fa'innahu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. C'est certes Jibril, il est venu pour vous enseigner votre religion. Donc regardez, Jibril dans le hadith, c'est lui qui a questionné. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a répondu. Mais il a attribué le fait d'enseigner à Jibril. Car comme nous l'avions dit dans le cours précédent, les questions de la part de Jibril n'était pas suite à une ignorance de sa part, mais elles avaient un but pédagogique, c'est-à-dire d'enseigner à l'assemblée, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les fondements de cette religion. Et donc on voit à travers cela que cette religion, elle doit s'apprendre, elle s'enseigne et elle doit s'apprendre. Et la voie empruntée par Jibril, et qui est également une voie très empruntée, qui était très empruntée par notre prophète, c'est-à-dire question-réponse, est une voie très bénéfique quant à l'apprentissage de la religion. Car le fait de poser une question suscite la curiosité de la personne à qui on l'a posée lorsque celui-ci ne connaît pas la réponse, et donc on obtient son attention lorsqu'on va lui donner cette réponse. Donc voilà mes frères et sœurs pour ce hadith, c'est un hadith grandiose. Je conseille à celui qui en a la capacité de l'apprendre par cœur, de le faire apprendre par cœur à ses enfants, car il contient les piliers de l'islam, il contient les piliers de la foi, il contient des points de croyance importants comme le fait que l'heure appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous contenterons de cela pour l'explication de ce hadith. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense en bien pour votre écoute et votre patience. Je remercie une nouvelle fois mon frère Youssouf de m'avoir invité à ce séminaire. Qu'Allah le récompense en bien pour la bonne pensée qu'il a eue sur moi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. أو دار الانتظار